1. Monsieur Lamy, s'il vous plaît. Monsieur Lamy, bureau 5, c'est le poste 15. 2. Madame Beaufort, s'il vous plaît. C'est le bureau 8, poste 18. 3. Mademoiselle Da Silva. Bureau 3, poste 13. 4. Monsieur Buis. Oui, bureau 2, poste 12. 5. Madame Dubois, s'il vous plaît. Bureau 1, poste 11.